France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire de la secte Ecovi. Au milieu des années 70, un certain Joseph Malte débarque à Paris avec sa famille et fonde une coopérative de produits biologiques. Dans cette ambiance post-68, ce quadragénaire québécois a eu l'idée qui va séduire des dizaines d'adeptes à aller vivre sous des tipis au bord de la Marne à Noisy-le-Grand, à côté de Paris, comme des Indiens dans la ville. Ce n'est pas un canular, c'est un projet de vie. Et puis, Joseph Malte se présente lui-même comme un Amérindien de la tribu Micmac au Québec. Le nom pourrait prêter à sourire, mais ce projet utopique babacool va se transformer en cauchemar et en histoire sordide. Joseph Malte, qui n'utilise pas moins de 13 identités différentes, telles que Norman William, va imposer à ses adeptes un végétalisme strict avec des rations insuffisantes et un refus de la médecine traditionnelle. Le gourou, lui, mène la grande vie entre restaurants gastronomiques et hôtels luxueux. Il rend quelques visites dans le campement où il a imposé une séparation stricte entre hommes et femmes et interdit tout rapport hétérosexuel. Le gourou homosexuel a convaincu tous les hommes de la tribu de le devenir et dispose ainsi d'un harem masculin. Des bords de Marne, au nord de la Finlande, en passant par le sud de l'Italie, les morts suspectes s'enchaînent, les accusations de pédocriminalité se multiplient, mais le gourou paraît insaisissable. Notre invitée aujourd'hui, Marie Drion, vice-présidente de l'UNAFDI, l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu Victime de Sectes. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Adrien Mora, rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Denante. Réalisation, Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Chacun sa part d'utopie. Installés depuis 77 sous des tentes indiennes à Noisy-le-Grand près de Paris, les membres d'une étrange communauté, elle s'intitule Communauté du Retour, partent ce matin pour une marche de 16 ans, oui j'ai bien dit 16 ans, 16 ans à travers le monde, bizarre, bizarre autant qu'étrange. 20 mars 1984, Noël Mamère annonce aux téléspectateurs d'Antenne 2 cette étrange nouvelle, comme il dit. Le reportage nous plonge alors dans un camp indien, à quelques kilomètres de Paris, à Noisy-le-Grand. Des gens qui cultivent la terre sans outils, à la main. Et ils ne mangent que des produits d'origine végétale, galettes de blé, graines, feuilles d'arbres et soupe d'ortie. Les hommes sont en pagne, les femmes parfois seins nus. Ils partagent des espaces communs, de grands tipis appelés guam. Et sur le campement, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de drogue. Un homme aux cheveux bruns longs, noués en couette, avec un bandeau autour de la tête, explique sur un ton professoral le concept de cette étrange phalanstère. Les journalistes le présentent sous le nom de Man, avec le titre de médecin, c'est le gourou. D'abord une expédition scientifique avec deux grands appendices. C'est pendant 16 ans, 6 ou 700 spécialistes de différentes disciplines qui vont faire un inventaire planétaire. Et qui en même temps vont essayer d'apporter une sorte de sourire de paix dans les différents villages, villes, régions qu'ils vont traverser. Ils sont ainsi plus de 200 à se mettre en marche pour le mouvement du retour. Objectif, une traversée de tous les pays du monde, à pied s'il vous plaît. Ils entendent échanger avec tous les peuples du monde et partager leur vision de la famille et du travail. Bien, la promesse est belle. Des études scientifiques seront menées chaque jour et traitées par ordinateur. Les spécialités sont diverses, zoologie, botanique, médecine, biologie, météorologie. Exemple de recherche, pourquoi y a-t-il tant de problèmes magnétiques autour des menhirs? Une thématique qui, comme chacun le sait, mobilise l'opinion mondiale. Mais il y a des messages plus politiques, moins éthérés, comme celui porté par l'ancien conseiller municipal de Tokyo, Noboru Nishio, qui lutte, lui, contre l'utilisation des armes nucléaires. Équipés de pancartes vertes avec des noms de peuples, les marcheurs du retour se rassemblent au point kilométrique zéro sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les touristes peuvent observer ce drôle de cortège et lire sur les pancartes « Eh oui, Autrichiens, Douala, Allemands, Auvergnats, Wolofs, Occitans, Chinois, Flamands, Micmac, Polonais, Basques, Frioul, tout un symbole. » Et ce n'est pas le seul. Dans leur longue marche de 16 années, La tribu est censée arriver en Amérique en 1992, 500 ans après Christophe Colomb, et revenir à Paris en l'an 2000. Précisons qu'à ce moment de l'histoire, nous sommes en 1984. Pour comprendre ce qui anime ces marcheurs, il faut revenir sur le parcours atypique de leur gourou, Norman William, alias Joseph Maltais. Traversons l'Atlantique et remontons le temps d'un demi-siècle. ...1937, province du Québec, East Angus, 150 km à l'est de Montréal. C'est ici qu'est né Joseph Maltais. Selon la légende qu'il s'est construite au fil des années, il serait né dans une tribu Micmac. Plusieurs fois dans sa vie, il a déclaré que son père amérindien avait été exterminé. Et pourtant, dans le documentaire « L'affaire Norman William » réalisé par Jacques Godbout en 1994, la petite sœur du gourou présente une toute autre version de leur enfance. East Angus, c'est une ville qui a vécu principalement des pâtes et papiers. Après la mort de mon père, qui était mort justement à cause de la manufacture de pâtes et papiers, ça nous a laissé sans un sou, absolument rien. On a vécu vraiment très pauvrement. Dans ce documentaire assez complaisant avec Pierre Maltais, sa sœur, Pierrette, le décrit comme un enfant intelligent, inventif, sociable et curieux. Peut-être pour échapper à sa vie difficile, le jeune Maltais s'invente-t-il des personnages. Mais quand a-t-il rencontré les Indiens Micmac, au juste? Difficile à dire, tant les récits de son enfant sont invérifiables. Tant de nombreuses légendes circulent sur la jeunesse du gourou. Bernard Landry, l'un de ses amis d'adolescence, raconte que Pierre Maltais faisait partie du mouvement scout au début des années 50. Lors d'un été, il emmène ses amis dans une réserve indienne de Gaspésie au nord-est du Québec. Des Amérindiens témoignent de sa présence dans la réserve de l'époque. Fasciné par les autochtones, Maltais aurait changé son nom en Piel Pejo et parlerait la langue Micmac couramment. Piel serait devenu fonctionnaire pour le compte du gouvernement québécois et envoyé en territoire inuit, avant de revenir à Montréal pour s'intéresser à une nouvelle cause, le mouvement de libération du Québec. Selon certaines sources, Maltais aurait même été recruté par les services secrets canadiens pour infiltrer des cellules Front de libération du Québec responsables d'attentats. Selon d'autres sources, il aurait été envoyé en Australie par la CIA pour déstabiliser le gouvernement. Évidemment, dans ce CV foutraque, légende et réalité semblent se croiser. Autant d'ambiguïté, de zones d'ombre qui suscitent toutes les théories. Pour le journaliste Philippe Brewaise, co-auteur en 90 de l'ouvrage Écovie, le micmac des services secrets, Maltais a été recruté dans différents services de renseignement. Il l'explique dans le documentaire Le pervers aux 100 visages, diffusé en 2009 dans Devoir d'enquête sur 13e rue. C'est quelqu'un qui a indubitablement travaillé avec des services de renseignement et des services d'action. Je pense qu'il roulait surtout pour lui, même s'il a effectivement participé à ces opérations. Et la suite va d'ailleurs montrer qu'il roulait essentiellement, et il roule d'ailleurs toujours essentiellement pour lui. Une chose est certaine, Joseph ou Pierre Maltais, ça dépend des jours, débarque en France au milieu des années 70, à Paris, avec sa femme enceinte et deux enfants. A-t-il quitté les services de renseignement? Difficile à dire, là encore. Et il se présente toujours comme un Indien Micmac. Il fonde Écovie, une coopérative regroupant un magasin de produits bio et un restaurant baptisé le Cheval de Troie, T-R-O-I-S. De nombreuses personnes adhèrent et viennent travailler bénévolement. Véronique, par exemple, explique « J'ai été attiré par l'esprit retour à la nature, une alimentation saine, un corps sain, un esprit sain. J'ai appris énormément de choses sur la connaissance des plantes, des animaux, des étoiles. Car Écovie est aussi un campement, à Noisy-le-Grand, au bord de la Marne. Et ici, on vit comme des Amérindiens. » Vincent confie « Au départ, c'est le mode de vie indien qui m'a attiré. J'ai vu une dizaine de tipis, moi. C'était mon rêve. » 26 septembre 1978, les téléspectateurs d'Antenne 2 découvrent dans le magazine Aujourd'hui Madame la tribu de Noisy-le-Grand. Les oiseaux chantent, il y a un petit chat qui se balade dans l'herbe au milieu des tipis. Un enfant étale son duvet à même le sol pour faire la sieste. Les pavillons de banlieue parisienne ne sont qu'à quelques dizaines de mètres. Et pourtant, ici, dans le campement, entre 50 et 100 personnes vivent une toute autre vie, la plus éloignée possible de la société de consommation. Deux adeptes de la tribu expliquent comment ils sont arrivés là. D'abord, on se nourrissait de produits naturels, et puis un jour, on a lu un article qui parlait de la tribu et des produits biologiques. On a été voir ces gens-là, on y allait comme ça toutes les semaines, on allait se ravitailler sur les marchés. On était attirés par leur mode de vie, puis un jour, on a décidé de tout abandonner. Mais c'est toute une famille qui a débarqué à la tribu. Toute une famille. C'est-à-dire ? Moi et mes trois enfants, mon mari. Henri, comment vous êtes-vous retrouvé à vivre dans cette communauté ? Je faisais du stop à Valence il y a une quinzaine de jours pour monter en Angleterre et j'ai été pris par un membre de la tribu. Et arrivé à Paris, il était très tard, il m'a proposé de venir dormir ici. J'ai accepté et depuis, je suis resté, quoi. Avant de venir ici, est-ce que vous vous considériez un peu comme un paumé de la société ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Je vivais, j'allais en faculté, j'allais en boîte, tout ça pour me divertir, tout ça, mais je voyais vraiment pas la finalité de tout ça. Je me sentais vraiment paumé, je me posais des questions et j'avais pas le moral tout le temps parce que je voyais aucune issue à tout ça. Ici donc, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de drogue. Il les qualifie de béquilles affectives. Il n'y a pas non plus de télé, d'électricité, ni de chauffage. Espérons au moins qu'ils aient la radio, ce qui est peu probable. En tout cas, on vit en communauté ici. Et les enfants ne vont pas à l'école, non. On préfère les éduquer avec des ateliers sauvages. Et tous partagent des valeurs communes sur l'écologie et le respect de la nature. Tous refusent l'exploitation par le travail et la notion d'argent. Le reportage se termine en chanson, dans la bonne humeur et des sourires. Jusqu'ici, tout va bien. Les adeptes partagent leur vie entre le campement de Noisy-le-Grand et le restaurant bio Le Cheval de Troie, à Paris, rue du Chevaleret. C'est d'ailleurs l'un des lieux de recrutement de nouveaux adeptes qui travaillent bénévolement pour Ecovie. Parfois, ils effectuent un stage dans un vieux verger au fin fond de l'île de France qu'ils ont baptisé Amazonie. Pour un peu, on nous parlait de canopée. Mais bon, ils y expérimentent l'agriculture par alvéole. Pourquoi pas ? Mais le gourou, Pile, Péjou, Maltais, comme vous voulez, lui ne passe pas sa vie sous un tipi. L'hiver, il fait froid, vous comprenez. Ça vous viendrait à l'esprit, vous, de faire du camping près de Paris au mois de janvier ? C'est bon pour la troupe, ça, pas pour le grand chef à plumes. Des adeptes rentiers lui font don de sommes généreuses. Alors monsieur mène la grande vie dans un appartement luxueux à Paris, au 225 rue du Faubourg Honoré, à deux pas de l'Arc de Triomphe. Et il ne se refuse rien. Valet, chauffeur, ils mangent de la viande et boivent du vin. Mais ça, ces adeptes l'ignorent. Ils sont tellement fascinés quand le chaman vient leur parler dans le tipi pour partager ses nombreuses connaissances. Charismatique, Norman William, alias Piel Peugeot, parvient même à séduire d'autres sphères plus influentes. En 1980, il fonde l'Université de la Paix, sorte de coquille vide mais ronflante, qui lui permet d'intégrer la Fédération mondiale des villes jumelées. Une vraie association, celle-là, et qui a un poids international. Grâce à ce nouveau réseau, Norman Williams s'infiltre ainsi dans différentes instances, tisse sa toile et agrandit son réseau en rencontrant différentes personnalités et hommes politiques. Il s'invite même lors d'un dîner à Matignon en présence de Pierre Mauroy. Mais dans le même temps, Ecovie est dénoncé par l'écrivain Roger Icor, combattant de la lutte anti-secte, qui accuse le gourou de prétendre que de l'eczéma purulent, résultat de terrifiantes carences alimentaires, est un signe que l'organisme se purifie, et de faire vivre des bébés au milieu des déjections semées à même la terre. Constat également établi par la mairie de Noisy-le-Grand, alertée par le voisinage. Nous sommes maintenant en mars 84, au moment de notre scène d'introduction, lorsque la grande marche du retour, 16 ans pour faire le tour du monde, est lancée. Pour certains observateurs, cette marche est synonyme de fuite. Norman William étant ciblé par des associations anti-sectes. Il s'en défend sur Radio Libre de Paris. RLP, Radio Libre Paris, la radio des hommes et des idées sur 98 MHz. Bonsoir, Man. Bonsoir, c'est avec toi qu'on va commencer à dialoguer. Et on va parler du grand retour. Ce n'est pas une opération de tourisme, ce n'est pas une opération de pèlerinage au sens strict du terme, ce n'est pas une invasion, ce n'est pas une débandade, ce n'est pas... On entend souvent le mot fuite aussi. Ce n'est pas comparable à une fuite, c'est une façon de vivre en se déplaçant. Thank you. citoyens qui êtes de ce monde, fils de terre et fille qui les féconde. La terre n'est qu'un trou dans l'univers, hein, ni de fourmis, hein, ni plein d'humains qui, je le crois et je vous avertis, est à sa fin, sur son déclin. Bientôt on sera plus qu'un raisin dans l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'univers. Et beaucoup plus vaste que l'on croit connaître, que l'on croit pouvoir contenir dans nos sciences. L'univers est absolu, l'univers est absolu, unique, corpusculaire, immensément grand. Relatif est notre avenir, relatif à son désir, le désir du maître des êtres, qui peut-être va nous faire disparaître. Relatif est notre avenir, sa colère sera éphémère, le petit saut d'humeur et la terre ne sera plus que vapeur. Par Jupi, Jupi, Jupi, Jupi, Jupi, Jupi, Jupi, Jupi, Jupi, Jupi, Jupi, Jupiter. Aujourd'hui, la secte Ecovie. France Inter, affaires sensibles. Passé l'euphorie du départ, la marche est très dure pour ces Indiens qui ne se nourrissent peu. Il faut allumer du feu avec du bois mouillé, réinstaller les tipis chaque soir. Cette épreuve met les organismes et les volontés à rude épreuve. Ils sont des dizaines à abandonner. D'autres souffrent de plaies qui s'infectent, de pertes de dents, hépatites, plaques purulentes sur le corps. Mais le gourou les rassure, ce sont des éliminations. Oui, le corps se réadapte et il ne faut surtout pas avoir recours à la médecine traditionnelle. Parmi les marcheurs, il y a Michel Tavernier, un sexagénaire. Sa femme, Jeannine, restée à Paris, est désespérée. Elle ne comprend pas comment son mari a pu tomber dans les filets de ce gourou. Il déteste les activités sportives, mais il s'est quand même lancé dans cette marche. Et il est prêt à vendre sa maison pour la secte. Mais au fil des jours, Michel Tavernier se rend compte que Norman William est, selon ses dires, un cas pathologique. Il finit par abandonner la marche et rentre à Paris. Sa femme, Jeannine, raconte leur retrouvaille dans le documentaire « Le pervers au sans-visage » diffusé en 2009. On s'était donné rendez-vous dans le hall de la gare Montparnasse. Et le 15 juillet, je suis allée le chercher. Je suis allée au rendez-vous et là, j'ai vu un homme épouvantable. Il avait maigri, il pesait 43 kilos. Sale, c'était une loque. Mais une loque amaigrie, comme de nombreux marcheurs qui ne mangent pas à leur faim. Du reste, de nombreux parents essaient de récupérer leurs enfants lancés dans cette marche du retour. Parmi eux, Gendre, qui part avec sa moto pour récupérer son fils, Laurent. Dans sa quête, il est aidé par les différentes gendarmeries qu'il visite pour des renseignements. Après avoir retrouvé les marcheurs, il use de la violence pour savoir où se trouve son fils. Stupéfaction quand il apprend que Laurent a été hospitalisé dans une clinique. Et il raconte la suite aux journalistes d'Antenne 2. Lorsque vous l'avez retrouvé, dans quel état était-il ? Oh. Il risquait l'amputation de la jambe gauche, gangrène et compagnie. On fouillait sur les tas d'ordures pour essayer de vivre avec les résidus et des trucs comme ça. Voilà comme j'ai connu mon fils. Si vous n'aviez pas retrouvé votre fils, qu'est-ce qui se serait passé ? Je perdais mon fils. Dans cette enquête d'Antenne 2 diffusée le 15 juillet 1988, les téléspectateurs découvrent la face sombre de la secte Ecovie et de Norman William. Jacques Cotta et Pascal Martin remontent la trace du gourou jusqu'à Bruxelles. Il découvre qu'il a loué une suite luxueuse dans un hôtel. Il découvre surtout que le chaman de l'ère glaciaire, comme il le surnomme, et qui impose un végétalisme strict à ses adeptes, n'hésite pas, lui, à déguster les meilleurs mets à base de viande accompagnés de vin. un bon gueuleton au resto pendant que ses adeptes crèvent la faim dans leur tipi ou sur la route, ce gourou-là coche toutes les cases du gourou classique, et notamment celle-là, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais plus grave, les journalistes découvrent, selon un témoignage d'un ancien adepte, qu'un nourrisson, le propre petit-fils du gourou, serait mort de déshydratation à cause des conditions déplorables dans les campements de la secte. Les téléspectateurs apprennent également qu'il impose l'homosexualité à tous les hommes de la tribu. Un ancien raconte. Donc il était censé transmettre ses pouvoirs et son savoir par l'intermédiaire des rapports homosexuels, c'est cela ? Voilà, exactement. Ouais. C'est-à-dire que par un échange donc, du sperme entre deux hommes, il y avait une transmission donc, de pouvoir, une transmission de connaissances. Au début, il y a combien de garçons à peu près qui connaissent ces rapports ? Bah, quelques personnes, 3-4 personnes. Et puis petit à petit, ce cercle s'agrandit ? Ce cercle s'étend à l'ensemble de la communauté masculine. Combien à peu près ? Entre 60 et 80 personnes. À Bruxelles, dans ses locaux, Norman William continue de mener la grande vie. Il est devenu franciscain. Tiens donc, c'est nouveau. C'est surtout une couverture pour la secte. Une de plus. Certains membres ont alors troqué le pagne indien pour la tenue de prêtre. D'autres ont coupé leurs cheveux et arborent le costard-cravate. C'est un peu la samaritaine des comportements et des accoutrements. Ici, on trouve de tout. Et puis, Norman William s'associe avec un escroc, Gustave Kettler, pour des affaires financières louches. Il noue aussi des liens avec Francis Dessart, défenseur des sectes, proche de l'extrême droite belge. William dit aussi être à la tête du Conseil mondial des peuples, une organisation qui existerait selon lui depuis des millénaires. Ses prédécesseurs seraient Gandhi et Martin Luther King. Quitte à mentir, autant y ajouter le panache. À cela s'ajoute la création de dizaines d'associations. Tout comme le nombre des identités du gourou, au moins 13, comme Pierre Doris Maltais, dit l'Indien, Piel Pedjo, Malteste, Monsieur Normand, Frère Moline, Frère Thiam, Norman Bogertz, Mann, Robert Pont, Henri Pont, je vous fais grâce du reste. Pendant ce temps, les marcheurs continuent leur tour du monde. Mais ils sont vite bloqués dans l'enclave espagnole de Ceuta, frontière frontalière du Maroc, où ils survivent pendant un an, complètement bloqués par les autorités. Apprenant l'arrivée de journalistes, Norman William leur ordonne de partir et leur paye la traversée pour rentrer sur le continent européen. Il s'installe alors en Italie, où l'un des leurs, Gilles, va rencontrer de graves problèmes de santé. Sur ordre du gourou, les adeptes ont l'interdiction d'appeler les secours ou de l'amener à l'hôpital. Et ce qui devait arriver arrive, l'homme meurt et ordre est donné de l'enterrer sans prévenir ni sa famille ni les autorités. La dimension criminelle de la secte s'affirme. À Bruxelles, le 12 décembre 88, une opération de police est lancée. Norman William est arrêté. La nouvelle fait la une du JT. Arrestation samedi dernier à Bruxelles de Norman William, le fondateur de la secte pseudo-écologiste Ecovie. Il a été écroué pour détention de faux passeports, mais un dossier en cours d'instruction en Belgique l'accuse également, entre autres, d'escroquerie, de trafic d'armes et d'enlèvement d'enfants. Norman William est poursuivi par plusieurs associations anti-sectes. Mars 89, Belgique. Norman William sort de prison après 4 mois passés derrière les barreaux. Et il apparaît très affaibli. Il a perdu de nombreux kilos suite à sa grève de la faim. Il a toujours sa tenue d'Indien et se pose en victime. Son avocat annonce qu'il s'expliquera dans une conférence de presse quelques jours plus tard, après s'être reposé. Mais le gourou veut quand même régler quelques comptes avec des journalistes, notamment Jean-Frédéric Doliège qui enquête sur ses activités. Extrait. C'est une cabale qui a été montée contre vous. L'évidence, il pleut, monsieur, j'ai pas obligé de faire un discours pour le prouver. Tout ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit et écrit sur vous, ici en Belgique, est faux. Non, j'ai trouvé 0,002% d'à peu près des fondables. Le reste, évidemment, c'est du compte à dormir debout, mais enfin, il restait ça. Les virgules, en général, étaient assez bien placées, notamment. Norman est libéré de prison, mais expulsé de Belgique. Il doit quitter le pays et on ne lui rend pas ses papiers. Alors, il s'évapore. Mais comment a-t-il pu franchir les frontières sans papiers ? Mystère. A-t-il encore des liens avec des services de renseignement ? Mystère. En 1991, la tribu a quitté le sud de l'Italie pour s'installer en Suède. Changement d'ambiance, changement de climat. Les tipis sont désormais dans la forêt et dans la neige, ça promet. De l'autre côté de la frontière, en Finlande, c'est la crise économique. le pays subit les conséquences de l'effondrement de l'URSS. Ilpo Okonen, 36 ans, architecte et photographe, doit licencier tous les employés de sa petite société. Marié à Seija, ils ont deux filles et il se trouve qu'ils ont entendu parler de curieux Indiens qui habiteraient là de l'autre côté de la frontière, en Suède. Tiens, pourquoi pas y faire un tour ? Et Ilpo et Seija sont très vite séduits par ces gens qui vivent en dehors de la société de consommation, qui chantent, qui dansent et qui élèvent les enfants dans la plus grande liberté. Justement, c'est un problème en Suède qui interdit à des enfants de dormir dehors dans des tentes. Le gourou Norman William va donc trouver un nouveau point de chute pour le campement. Autant dire que l'idée de marche du siècle s'est un peu perdue en route. Norman William va donc demander à son nouvel ami Ilpo de l'aide pour aller en Finlande. Ilpo, qui a de nombreuses relations, trouve assez vite un point de chute. Mais il n'est pas certain que cela plaise au gourou. Comme il explique dans la série documentaire La tribu des gourous Guyland d'Yvonne de Beaumarchais, Tristan Benoît et Anu Kontouri, diffusée sur Arte en 2023. C'était un centre de vacances, en fait. Et je pense qu'il voyait en nous une potentielle attraction touristique. Donc, c'était clair dès le début qu'on n'irait pas là-bas. On a appelé le guide dans la nuit. Et contre toute attente, il a dit qu'il viendrait visiter l'endroit dès le lendemain matin. Direction la station de ski de Laino, au-delà du cercle polaire. La mission est d'expérimenter la vie en autarcie. Mais de nombreux spécialistes sont sceptiques. La station est située au-delà du cercle arctique, où l'agriculture est quasiment impossible. Mais le deal est intéressant pour Norman William. Un terrain pour camper. Et en échange, il joue aux Indiens dans le complexe touristique. Il se trouve même un nom de peuple, les Iriadamans, qui taillent des silex et fabriquent leurs propres vêtements à base de fibres d'ortie, par exemple. Ils s'inventent également une langue et des chants. Et les adeptes de la tribu vivent forcément dans des conditions extrêmes. Les accouchements, par exemple, ont lieu par des températures allant jusqu'à moins 35 degrés. Oui, car il y a naissance au sein de la tribune, mais tout est contrôlé par le gourou qui organise des cérémonies d'insémination. D'anciens adeptes, Marise et Jean-François expliquent le fonctionnement de la cérémonie dans le documentaire « Le pervers au sans-visage ». Norman William nous avait présenté comme étant une coutume traditionnelle primordiale le fait d'avoir des enfants sans rapport sexuel, sans contact physique entre le père et la mère. Ça se passait dans une tente, tout ça. La tente était coupée en deux. Les femmes étaient de leur côté, les hommes de l'autre. Et puis il y avait un petit sas entre les deux pour l'insémination elle-même, quoi. Et c'était lui qui s'en occupait. Donc lui prélevait le sperme. Mâle, j'en parle comme on parle de vache maintenant, de taureau, parce que je le vois comme ça maintenant, le sperme mâle, et l'inoculer dans la femme qui, elle, ne voyait pas ce qui se passait. Un enfant du campement, Kiska, âgé de 3 ans, est désigné par Norman William comme un futur chaman. Le gourou prépare donc une cérémonie d'intronisation, et il passe un moment seul avec l'enfant dans le tipi. Ilpo et François racontent la suite dans la série documentaire La tribu, le gourou, Guyland. Tout à coup, on a entendu un cri aigu. C'était le petit garçon. Un cri effrayant. Avec Seija, on a trouvé ça bizarre. Ils sont ressortis et le guide a dit « L'enfant est bien porteur de l'esprit, c'est un chaman. » Quand il est sorti du Guam, j'ai senti qu'il n'était pas dans son état normal, enfin, c'est-à-dire il n'était pas comme d'habitude. Là, d'habitude, on avait une complicité, il y avait une espèce de... Tout de suite, ça résonnait. Et là, je l'ai senti pas hagard, mais pas inaccessible, mais voilà, ailleurs un peu. Et nul ne sait ce qui s'est passé exactement ce jour-là, dans la tente, entre l'enfant et le chaman. Mais une fois sorti de la tente, le gamin ne peut plus regarder le gourou en face, et il se cache. Il meurt quelques temps après, juste après un passage de Norman William dans sa tente. Les autorités sont prévenues. L'autopsie conclut à une mort subite du nourrisson. Pour un enfant de 3 ans. Pour autant, la secte n'est pas encore inquiétée en Finlande. Et Norman William semble pouvoir poursuivre son chemin. Il n'a jamais été condamné pour pédocriminalité, Mais dans le documentaire Le pervers aux 100 visages, un ex-adepte François Olivier l'en accuse. Il est homosexuel, c'est une chose, mais il est aussi pédophile. Et donc, il justifiait les rapports avec des enfants en disant que, à partir de la puberté, on est adulte. 10 ans, 11 ans. Ah oui, la puberté. Bon, lui, c'était les garçons, donc je pense qu'auprès des filles, il n'y a pas dû se passer grand-chose, mais les garçons, à partir de cet âge-là, étaient abusés sexuellement, ça c'est sûr. Et vous-même ? Moi aussi. Je dirais avec presque la chance que je suis arrivé à 15 ans et que ça s'est passé vers 16 ans, bon... Nombreuses sont les familles dévastées par cette secte qui leur a pris un proche. Jeanine Tavernier, à la tête d'une association de lutte contre les sectes, les aide dans cette épreuve douloureuse. Un voyage en Finlande est même organisé pour tenter de ramener certains membres. C'est le cas pour les parents de Germaine, qui arrivent sur le camp et découvrent leur fille. Ils tentent alors de rentrer en contact avec elle. Et ils racontent cet épisode dans la série documentaire La tribu Le Gourou Gaëland. Nous avons vu une fille, les yeux complètement hagards, qui nous regardait sans nous voir. On lui a dit, mais enfin, tu ne nous connais pas ? Non. Et elle n'a rien répondu, simplement des mots incompréhensibles pour nous. Je ne voulais pas parler en français, je ne voulais pas entrer en communication avec eux. Et donc, j'utilisais un mot micmac et ça voulait dire dehors. Elle ne faisait que répéter « godé méché »,« godé méché » d'un ton doux, mais en même temps avec une grande force de défense. 1993, Norman William est condamné par un tribunal belge à 3 ans de prison pour faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance, port public de faux noms et association de malfaiteurs. Il se cache toujours quelque part en Europe. En Finlande, la presse s'empare du phénomène des Indiens. Ils ne sont plus les bienvenus. Voici les titres de l'époque. Les Indiens de Kittilä sont des menteurs. Les Indiens expulsés de Finlande. Les Indiens doivent partir dans 2 semaines. La police force les Indiens à évacuer. Expulsés de la station de ski, les adeptes de Norman William trouvent un point de chute plus au sud du pays avant de se lancer dans leur grande spécialité, la marche. Ils veulent faire reconnaître leur peuple et entament un périple dans toute la Finlande avec une croix noire dessinée sur leur visage. Mais ils sont épuisés, affamés. L'un d'eux, Gérard, est tellement faible que ses amis souhaitent l'amener à l'hôpital. Mais Norman William exige qu'on le ramène chez lui, aux Pays-Bas. Il sera soigné. Pendant le voyage, Gérard est tellement exténué qu'il est déposé anonymement et inconscient dans un hôpital suédois. Ilpo raconte cet épisode dans la série documentaire La tribu et le gourou. Certains d'entre nous avaient pour mission de conduire Gérard jusqu'au guide, Hollande. Mais son état a empiré pendant le trajet. Et il a été décidé de l'amener à l'hôpital le plus proche en Suède. Il est mort là-bas. Le mardi 31, un homme affamé meurt à l'hôpital de Skellefteå. Il meurt sans que personne ne sache son nom ni d'où il vient. Expulsés de Finlande, les Indiens se retrouvent alors dans le sud de l'Italie, en Calabre. Mais là, les langues se délient et les adeptes échangent différents secrets qu'ils détiennent sur leur gourou. En recoupant leurs informations, ils découvrent la supercherie. Certains apprennent la mort de Gérard, qui avait été caché à la majorité du groupe. Alors, c'est la fin des illusions. Et au campement, on décide de s'autodissoudre et de quitter la secte. Norman William, lui, trouve refuge de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec. Retour à la case départ. Janvier 97, Maltais apparaît à la télévision canadienne et parle sans scrupule de ses activités sectaires. Mais en 2004, il est enfin poursuivi par la justice canadienne, mais il fuit une nouvelle fois, direction cette fois, le Nicaragua. Là, il explique qu'il est un Indien d'Amérique centrale, issu d'une famille à tête longue. Il se prétend docteur en droit international, directeur d'une université qui n'existe pas, et père de 19 enfants, un nouveau micmac. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la secte Ecovie. Notre invitée, Marie Drion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de secte. C'est un acronyme qui se prononce UNADFI. Hein, voilà. Vous venez de me le dire. Bien. Alors, on se pose toujours la question. À chaque fois, on n'y coupe pas. On voit que les adeptes des sectes, il n'y a pas que des illuminés là-dedans. Il y a des gens tout à fait sains d'esprit. Au début, et on s'est dit, mais bon sang, qu'est-ce qui fait qu'ils se font, qu'ils entrent dans ce piège? C'est vraiment une question très... elle est grande, cette question, parce qu'on n'arrive pas à y répondre. Oui, alors on n'entre pas dans un piège, hein. On n'entre pas dans une secte. Personne n'entre dans une secte. Oui, enfin, entre, se retrouve. Voilà, on fait une rencontre à un moment, et qui correspond à quelque chose que consciemment ou inconsciemment on désire ou qu'on recherche. Et la proposition est tellement séduisante qu'on rentre. Voilà. Mmh. Et après, les pratiques du mouvement et les techniques de mise sous emprise, qui sont à peu près toujours avec les mêmes étapes, hein, qui commencent toujours par une période de séduction, puis une période de déstabilisation, mais ça se voit pas, si vous voulez. On ébranle vos convictions, voilà, peu à peu. Puis on reconstruit suivant le groupe, et ensuite, les manœuvres et surtout le moyen de contrôle mental, qui sont extrêmement bien connus maintenant, et quand ils sont bien utilisés, ils ont un effet immédiat, c'est-à-dire que les personnes n'ont plus accès à leur libre arbitre. Alors, il y a des choses différentes. C'est vrai qu'avec Ecovie, on a, si vous voulez, dans l'emprise sectaire, il y a des mouvements qui se sont créés avec une personnalité très charismatique, et puis des gens idéalistes, voilà, et puis qui ont peu à peu dérivé avec un abus de pouvoir de celui qui l'a créé. Mais là, je trouve qu'avec Ecovie, on a plutôt un prédateur qui a cherché des adeptes pour pouvoir exercer son pouvoir. C'est ça, c'est-à-dire qu'on passe... Tous les gourous ne sont pas aussi prédateurs que Joseph Maltais, qui était effrayant, quand même. Mais lui et quelques autres passent finalement du pouvoir de séduction à la séduction du pouvoir, parce qu'ils aiment le pouvoir. Voilà, il y a toutes les figures sont possibles. C'est-à-dire mais souvent que... quand même, on voit cet attrait pouvoir, du pouvoir. Bien sûr, bien sûr. L'emprise, c'est ça aussi, c'est le pouvoir. Oui, c'est le pouvoir sur l'autre. Mais quelquefois, il peut venir... Moi, j'ai le sentiment qu'avec lui, c'est dans sa personnalité. C'est-à-dire qu'il est... Il vide les personnes de leur identité, enfin, il a besoin de les posséder complètement. Dans d'autres cas, on a vu des groupes qui étaient partis de façon assez saine et où le pouvoir a fait dériver, parce que celui ou ceux qui ont le pouvoir, ils prennent goût et peuvent ne pas vouloir le lâcher et du coup utiliser les moyens pour le garder. Alors, on est ici un gourou qui affiche plusieurs visages, plusieurs identités. C'est caractéristique, ça, des gourous? Pas forcément, parce qu'il y en a certains qui sont toujours, qui ont gardé toujours la même identité. Mais lui, c'est un grand manipulateur devant l'éternel. Quand même, il faut reconnaître que c'est assez exceptionnel sur les multiples identités. Il y en a, mais c'est pas la majorité, quand même. Ouais. Alors, l'emprise est tellement forte qu'il arrive à imposer une homosexualité aux hommes du groupe, qu'ils ne sont pas au départ, donc arriver à faire changer une personne d'identité sexuelle, c'est quand même... Ça va loin, quand même. Mais oui, ça va loin, mais si vous voulez, c'est pour ça qu'il est fondamental que le plus de personnes possible sachent que ça existe. Ouais. Pour essayer, mais bon, une fois que le processus est un peu engagé, c'est très compliqué. Mais il faut savoir que ça existe, c'est-à-dire qu'on peut être amené à un moment à commettre des actes qui sont entièrement contraires à nos personnalités, à nos valeurs, à nos convictions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, aux États-Unis, l'affaire de Charles Manson, il a quand même bien fait sûr. Assassiner. Qu'on a traité dans l'affaire sensible, voilà, évidemment. Voilà. Et on arrive à des choses. Oui. Voilà. Mmh. On arrive à des choses invraisemblables. Et on n'est plus soi-même. Ça, c'est vrai. Ouais. On doit dire que les personnes n'ont plus accès à leur raisonnement, c'est sûr. Mais en même temps, il y a même un changement d'identité, si vous voulez. Là, il leur donnait d'autres noms. Ils étaient complètement dans une vision totalement. Ils avaient quitté la réalité. Quoi. Ils étaient dans un monde irréel. Et à ce moment-là, on peut tout faire. Et alors, on voit qu'un des leviers pour Ecovie, mais peut-être pour d'autres sectes, c'est l'idée selon laquelle le monde extérieur est méchant. La presse est méchante, donc restons entre nous, surtout. Alors, si vous voulez exercer de l'emprise, il faut créer la peur de l'extérieur. Donc on est d'accord. Ça c'est élémentaire. Voilà. Bon, voilà. Non, on est d'accord. Bah, écoutez, non, mais c'est élémentaire, parce que sinon, vous laissez les personnes avoir accès à la discussion, à d'autres avis, et il ne faut pas qu'ils aient accès à d'autres avis et à la discussion. Donc, il faut, pour des raisons diverses, quand c'est soit c'est Satan, soit c'est des gens qui vous veulent du mal, soit c'est dangereux, mais de toute façon, l'extérieur est dangereux. France Inter. Affaires sensibles. Marie Drion, il y a chez les gourous, alors peut-être pas tous, je vois qu'il ne faut pas globaliser, mais quand même, la dérive sexuelle. Alors là, c'est une domination exercée par le sexe, c'est du viol finalement, déguisé en consentement par l'emprise, c'est ça ? Eh oui. C'est très pervers. Mais, bien sûr, c'est très pervers. C'est très pervers, et puis avec je pense à un mouvement, par exemple, les enfants de Dieu, où les jeunes enfants, les jeunes filles étaient censés se prostituer pour pécher des hommes, parce que c'était d'origine chrétienne, alors les pécheurs d'hommes. Et des jeunes femmes qui en sont sorties après, qui n'avaient aucune idée que c'était du viol, quoi. Si vous voulez, c'est leur quotidien. Mmh. Oui. Donc on peut se dire que là aussi, Écovie, alors les hommes qui n'étaient pas homosexuels, qui avaient eu une autre vie avant, il a fallu quand même le temps de les convaincre, mais les enfants. Les enfants, ils ont grandi avec ça, si vous voulez. Mais oui. Voilà. Sans justifié par un aspect spirituel. Ouais. Et la dimension, alors réelle ou supposée, pédocriminelle dans cette affaire-là. Ah oui. Quelle est la vraie dimension ? Écoutez, moi, j'ai pas fait l'enquête, mais c'était évident que assez vite, en regardant les émissions et j'entendais Jeannine Tavernier le dire aussi, quand même, ça a été su assez vite. Ouais. Mais Maltais, il a toujours eu il a fui, il a sans arrêt fui. Mmh. Et puis sur les dimensions d'appui qu'il avait là, moi je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux et on sait pas en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais on n'a pas réussi et c'est pas non plus facile quand les parents sont dans le groupe aussi d'intervenir. Ouais. C'est une vraie question quand même, parce que là, pour le coup, sur des adultes, on peut discuter consentement, croyance, etc. Sur des enfants qui n'ont rien demandé et qui sont là simplement parce que leurs parents étaient. Mais vous savez, ça, c'est les abus sexuels sur enfants. On a, par exemple, je pense à des mouvements bouddhistes, ou certains mouvements bouddhistes, où c'est justifié spirituellement. Et donc, voilà. Ouais. Est-ce que, de ce que vous pouvez observer du haut de votre association, les jeunes sont par nature plus vulnérables face aux sectes à cause de leur idéalisme et de leur enthousiasme de la jeunesse ? Oui, alors ça c'est sûr que c'est un public qui est recherché. Captif, parce que oui, parce que je dirais que dans l'emprise sectaire, les plus idéalistes sont les plus fragiles. Parce que d'eux-mêmes, ils vont y croire et ils vont en rajouter, quitte à se radicaliser encore plus, si vous voulez même. Parfois. En même temps, aujourd'hui, où le recrutement se fait aussi pas mal par Internet, par les réseaux sociaux, des choses comme ça, et que, où l'information passe beaucoup par l'image, pour les jeunes en tout cas, il me semble qu'ils ont aussi une connaissance de l'image et des trucages de l'image que les générations comme la mienne n'ont peut-être pas forcément. Ah oui. Il y a peut-être des éléments de défense. Mais c'est sûr que en face, il faut la vigilance, il faut du discernement, et pour ça, il faut avoir des connaissances, il faut essayer de se repérer, il faut poser des questions, il faut s'informer, faire confiance aveuglément, si vous voulez. C'est drôle, parce que sur le matériel, on ne cesse d'aller voir que choisir 60 millions de consommateurs, tout ça, avant d'acheter le moindre objet. Mais alors, pour livrer son psychisme ou son physique avec le bien-être, etc., eh ben, on y va simplement parce que un copain a dit, tu sais, c'est très bien, ça m'a fait du bien. Ouais. Voilà. Et c'est pas un argument. La preuve par soi, c'est pas un argument. Bien sûr. Oui. Scientologie, Témoins de Jéhovah, Secnoumoun, les Raéliens et j'en passe. On a le sentiment, un certain sentiment d'impuissance face à ça. On coupe la mauvaise herbe et elle repousse, elle repousse, elle repousse. Bon, du côté des pouvoirs publics, il y a Miviludes, mais il y a aussi des associations. Vous trouvez que les pouvoirs publics sont désarmés par rapport à ça? Ben, si vous voulez, une démocratie, elle est forcément un peu désarmée par les antidémocrates, parce qu'elle les nourrit. Voilà, les antidémocrates ont le droit de vivre dans une démocratie. Donc ça pose une vraie question. Il faut arriver à informer beaucoup d'une part, et puis il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser, parce qu'on ne peut pas intervenir. Alors, sur les enfants, je pense que là, on a un vrai créneau, par contre. Ah bon ? Sur les mineurs. Ben, écoutez, l'État, tant qu'ils sont mineurs, si on est au courant de dérives vraiment importantes et d'atteintes et de maltraitances et d'abus, je pense qu'on est justifié à essayer d'intervenir. En tout cas, on est justifié. En face d'adultes qui choisissent des pratiques ahurissantes ou à risque, ou qui se mettent du coup, qui rentrent, qui donnent leur consentement à des choses sans le savoir, hein, parfois, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont hors la loi. C'est progressivement, c'est difficile parce qu'il y a le consentement des adultes. Oui. Et puis aussi l'éternel problème de l'État qui rechigne souvent, par principe, à aller dans les affaires intimes de la famille. Oui, mais si vous voulez, quand on voit ce qu'il y avait là, mais c'est exact, hein, c'est normal, parce qu'il y a aussi le droit des parents, le droit à l'éducation. Moi, il me semble que c'est un problème qui est vraiment lié aux libertés individuelles dans une démocratie. Si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut faire. On progresse. On dénonce. On arrive à... Vous savez, si Malte s'est tiré de partout, c'est aussi parce que quand même, on agissait contre lui. Mais lui, il a réussi à fuir. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut quand même dénoncer, mais qu'on est limité par la liberté. On est quand même dans un pays de liberté, de croyance. Voilà. Il faut trouver l'équilibre. Il est compliqué. Voilà. Mais les mineurs, je pense que c'est vraiment quand même un sujet... grave, et on voit aujourd'hui maintenant dans nos associations, depuis les années 2000, on voit des jeunes adultes qui ont passé leur enfance dans un mouvement sectaire. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont jamais rien connu d'autre. Et qui, quand ils en sortent, sont dans un état de sont désarmés. C'est effrayant, quoi. Bien sûr. Il y en a une qui m'a dit, je suis comme une migrante. Voilà. Et donc là, c'est un vrai sujet aussi. Ça veut dire que dans des mouvements sectaires ou dans des éducations sectaires, quelle est la part possible d'essayer de remettre de l'ouverture là où il y a la fermeture par les parents? Et c'est beaucoup de questions, hein, mais moi je pense quand même qu'on a des actions dont on parle pas, mais au coup par coup et auprès de groupes et auprès de familles qui permettent d'éviter pire. Voilà, mais on n'est pas à l'abri d'un gourou qui dérive. D'ailleurs, on vient d'arrêter un gourou bivolaru, un gourou de yoga tantrique, où c'est absolument effrayant. Pour moi, c'est aussi effrayant que Maltais, de ce qu'il a fait depuis pas mal d'années. Que faites-vous au quotidien au sein de cette association, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de secte? Alors, principalement, il en reste une minute, voilà. Principalement. L'UNATFI, c'est l'union d'associations individuelles ADFI, dont la première est née en 1974, justement avec une famille dont le fils était parti chez Moon. Alors, ces associations-là, elles ont pour mission de accueillir et accompagner les victimes et informer et prévenir. C'est-à-dire quoi? Alors l'UNATFI, elle a un service de documentation, donc elle est parfaitement, donc c'est l'union là, hein, et elle publie une revue tous les 3 mois, elle a un dossier d'actualité tous les mois, elle travaille beaucoup donc avec ce service documentation à l'information, la prévention, et depuis 2 ans je crois, nous sommes maintenant organisme de formation. Bien. Voilà. Merci infiniment, Marie Trillon, pour votre témoignage et les éléments de compréhension de vous avoir donné la parole. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la secte Écovi, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Titouan Labarre.